donc voilà, je préfère prévenir tout le monde maintenant. C'est clair et net. Tout CD, tout cassette, CD, remix sur mon compte sera sanctionné. Tenez-vous sur vos gardes. C'est fin septembre, j'entends encore une connerie sur mon dos. C'est clair et net. Je vous laisse tomber. Et je laisse tout le monde tomber. Je vous laisse tomber. Si j'entends encore une personne me dire oui, on a fait des remix sur toi. Alors là, moi je vais vous dire une chose, c'est le tribunal d'entrée. Allô? Oui, bonsoir monsieur, je m'excuse de vous déranger. Oui, bonsoir monsieur, je m'excuse de vous déranger. C'est bizarre. C'est bizarre. Surtout, pas de radio et pas d'insultes. Oui, c'est encore même, monsieur. Allô? J'ai décidé que maintenant, je vais être calme. Oui, mais d'accord, mais... Je préviens d'une chose, les postes isolés, les i et les bars sur l'été. Non, mais... Attendez, qui c'est qui vous a sorti ça? Non, bah, tu vas pas commencer, s'il te plaît. Mais savez-vous qu'il y a nous, sinon, ça va être clair et net, Vous saquez. Bon, t'es pas là, bonne nuit. Non, bah, tu vas pas commencer, s'il te plaît. Vous la calmez. Le premier ce soir, tu viens me faire chier lors du débat. Bah, t'es plus là, ok, bonne nuit. Vincent, c'est moi qui mène les débats. Attends, t'es qui, toi? Vincent, c'est moi qui mène les débats. Là, vous allez la permettre, parce que là, c'est pas le thème du débat. La libre antenne continue. Continue. Oh non. Vous la fermez tous les deux. Vous allez vous calmer maintenant. Alors, sortez de là, vous commencez à me casser les couilles. Ta gueule. Alors, attends. Oh, 6 minutes. Ça se termine au tribunal. Ça se termine au tribunal. Ça se termine au tribunal. Ça se termine au tribunal. Attends, tu retournes au standard parce que t'as un téléphone portable et c'est pourri. C'est bon, Caramel, si tu me prends pour un con, c'est pas la peine. Alors, vous laissez Christine de côté, s'il vous plaît. C'est une question vraiment bidon. Voilà, bonsoir à tous. Donc, nous voilà arrivés dans au terme du débat. Non, c'est bon, on commence pas. Bonsoir à tous. Bon, c'est le débat. Oh! On se calme derrière, s'il vous plaît. Ok, c'est bon, je vois déjà le terme du débat. On commence le débat. Et on se calme. C'est pas moi, c'est ma sœur qui bat le bar entre les cuisses d'un culture. Tu retournes chez toi et c'est bon. C'est bon. Il y en a qui s'amusent derrière mon dos. Bon, c'est fini là, ce bordel ou quoi? Là, je vous préviens d'une chose. Bah, ça me fait une belle jambe. Ok, point final à la ligne. Ok, point final à la ligne. Ok, point final à la ligne. Ok, point final à la ligne. J'ai dit qu'on parlait pas de la loco. Bon, alors, Caramel, tu dégages. C'est bien possible de travailler comme ça sur un débat. Jean-Luc, tu retournes chez toi et c'est bon. Jean-Luc, tu sais ce qu'il dit, le vieux porc? Jean-Luc. Bagel. Allez hop, moi j'arrête. Ben ça y est. Vous êtes 12 764 956 auditeurs entre 1h et 3h qui écoutent Fun Radio.